me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici comme chaque jour de cette semaine conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quel était le contenu de l'Arche d'Alliance et quelles étaient ses fonctions selon les théories rabbiniques, demande Thomas Römer. L'Arche contenait-elle la Shekina, c'est-à-dire la présence divine, et quel rapport avec le trône de Yahvé? Pourquoi cette insistance à interdire les représentations de Dieu dans la Bible? Quelles sont les spéculations liées au déplacement de l'Arche? Était-elle en Éthiopie ou bien serait-elle enfouie dans la cathédrale de Chartres? Et d'ailleurs, y a-t-il quelque chose de caché dans cette arche? Serait-ce de l'électricité? Entre stimulante érudition, actualisation des recherches et un peu de malice autour d'un des objets de l'histoire parmi les plus fascinants, Thomas Römer, titulaire de la chaire des milieux bibliques, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Université de Lausanne, poursuit sa grande enquête au cœur des textes bibliques et des sources antiques, dans le cadre de sa nouvelle série « L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires ». Dans son cours d'introduction, le philologue exégète a distingué trois ensembles de fonctions que je rappelle. La construction du sanctuaire dans la tradition sacerdotale où l'arche apparaît comme contenant les tables de fondation et supportant un objet liturgique lié à l'idée de l'expiation. Puis en deuxième, l'arche dans la tradition deutéronomiste où elle apparaît comme un contenant des tables de la loi. Et enfin, l'arche dans un contexte guerrier. Mais avant d'interroger le contenant de l'arche, Thomas Römer poursuit et achève son interrogation des hypothèses de déplacement et de réapparition de l'arche après la destruction du temple de Jérusalem. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 22 février 2018 pour le cours de Thomas Römer, aujourd'hui, le contenu de l'arche et ses fonctions. Il y a un grand mystère dans le texte biblique qu'une fois que Salomon a mis l'arche dans le temple, on n'en parle plus. Et après, il y a des débats s'il a été justement amené à Babylone. Mais il y a une autre idée qui est très populaire jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'arche, en fait, se trouve en Éthiopie. Je sais qu'il y a des gens du public qui m'ont dit qu'ils avaient déjà fait des voyages en Éthiopie, puis on leur a montré toutes sortes d'endroits où l'arche pourrait se trouver. Donc ça fait partie un peu de l'identité éthiopienne. Et en fait, c'est une tradition qui se base sur le plan littéraire, sur un document qui est un document récent, qui date du XIVe siècle, donc le livre de la gloire des rois, Kebranegast, qui peut-être reprend des traditions plus anciennes, peut-être. De toute manière, on voit très bien quel est le point de départ de toute cette histoire. Le point de départ, évidemment, se trouve dans la Bible. C'est l'histoire du chapitre 10 du premier livre des rois, où il y a la reine de Saba qui rend visite au roi Salomon, étant intriguée par sa richesse et surtout par sa sagesse. Peut-être aussi par autre chose, mais ça, la Bible ne le dit pas. Après, là, on nous le dit. Mais donc, en fait, l'idée, c'est que pour la tradition éthiopienne, on identifie Saba avec l'Éthiopie, alors que probablement ça se réfère plutôt au Yémen. Mais bon, on n'est pas à un détail près, c'est pas important. Donc, toujours est-il, selon cette histoire, que Salomon aurait, avec sa sagesse, réussi à coucher donc avec la reine de Saba. Et à son retour dans son pays, donc, elle aura donc enfanté un fils du nom de Ménélik, le très sage. Et lorsque Ménélik devient adulte, il apprend qui est son vrai père et il va rendre visite à Salomon à Jérusalem. Donc, ce n'est pas dans la Bible, c'est dans cette tradition éthiopienne, ce que parfois les gens confondent. Et alors, Salomon est tellement impressionné par son fils, il veut d'abord en faire son successeur. Mais Ménélik souhaite quand même rentrer chez sa mère, et donc, du coup, Salomon le fait, en effet, consacrer roi d'Éthiopie par son prêtre Tsadok. Et il lui donne une sorte de cadeau en demandant ou en exigeant en fait que les fils de ces officiers, de ces prêtres, etc., donc un peu la noblesse, l'accompagnent en Éthiopie, mais pour y rester. Et ça déplaît forcément au fils de Tsadok, Atsariou, qui, lui, l'idée, bah, comme il est fils de prêtre, il ne veut pas se séparer de l'arche. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une sorte de copie de l'arche et il échange la copie contre la vraie arche. Et donc, une fois arrivé en Éthiopie, Ménélik n'était pas du tout au courant, parce que parfois, dans les résumés, on vous dit que c'est Ménélik qui aurait volé l'arche. C'est pas tout à fait ça, parce que selon ce document, il apprend seulement quand ils sont en Éthiopie. Mais là, il est tout content, parce que maintenant, évidemment, ça montre que le nouveau peuple élu, ce sont les Éthiopiens et les rois d'Éthiopie jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette idée qu'ils sont en quelque sorte les successeurs de Salomon et donc de David et de Salomon. Et donc, l'arche va trouver son emplacement à Aksum, où jusqu'à aujourd'hui, on vous montre une chapelle, pas dans l'église, parce que dans l'église, l'arche aurait été trop dangereuse. On aura dû la mettre dans une chapelle latérale, donc vous voyez que c'est des constructions plutôt modernes, et personne n'a vu l'arche, donc alors parfois on dit que le gardien de l'arche devient aveugle parce que l'arche est tellement rayonnante, etc. Bon, comme personne l'a vu, c'est difficile à en décider. Donc l'idée, c'est que l'arche est donc liée à cette église de Marie de Sion, parce que là aussi, je reviendrai sur la question, dans le catholicisme, en fait, il y a un lien très fort entre Marie et l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche a contenu les tables de la loi, donc l'ancienne alliance, et Marie a contenu, donc, entre guillemets, le Christ, donc la nouvelle alliance. Donc, du coup, il y a en fait ce lien dans la tradition catholique entre la Vierge Marie et l'arche de l'alliance. Donc, il y a des sanctuaires qui sont autour de l'arche, mais aussi autour de la Vierge Marie, comme c'est aussi le cas. J'en parlerai à l'occasion de Kiryat Yearim, où aujourd'hui se trouve en effet une église dédiée à Notre-Dame de l'Arche de l'Alliance. Donc exactement la même idée. Cette idée de l'Arche à Aksum a été reprise de manière, il faut dire, pseudo-scientifique par un livre qui a fait un certain bruit, Le mystère de l'Arche perdue. Bon. Bah, si vous avez l'argent à dépenser, vous pouvez. Mais c'est un peu du grand n'importe quoi, si je peux me permettre. Et donc, cette théorie, donc, c'est un peu un mix entre des faits et des spéculations de toutes sortes. Donc, selon Hancock, donc, l'arche serait en effet arrivée en Éthiopie, mais par un tout autre chemin, en fait. Et là, il commence à mélanger un peu des choses historiques et sa spéculation. L'arche, évidemment, c'est aussi quelque chose de très dangereux avec l'électricité. Je reviendrai sur l'électricité dans un instant. Donc lui, il dit, en fait, l'arche aurait été sauvée des prêtres ou des lévites du roi affreux Manassé. Donc Manassé, dans la Bible, c'est le roi idolâtre qui qui intègre dans le culte des déesses, qui fait toutes sortes de choses qui déplaisent à Yahvé. Et donc Hancock prétend, alors que la Bible n'en parle pas du tout, que Manassé aura dû ou aura voulu détruire l'arche. Et donc les Lévites auraient en fait sauvé l'arche et l'auraient transportée à Éléphantine. Pourquoi Éléphantine ? Et ça, c'est un fait historique, parce qu'on sait qu'à Éléphantine, il y a en effet une communauté israélite judéenne. On ne sait pas à partir quand exactement, mais il y a en effet des scientifiques qui pensent à partir du 7e siècle. Donc ça colle avec son idée. Donc il dit qu'il était arrivé à Éléphantine, où elle était entreposée dans le temple de Yahou. Parce que ça aussi, on sait que à Éléphantine, les Israélites ou judéennes qui étaient en place avaient en effet construit un temple où il vénérait Yahou avec une déesse Anat. Donc, si vous suivez les cours, vous avez déjà entendu parler de cela. Et, autre élément historique, vers 400, ce temple a été détruit par des Égyptiens ou par des Perses qui se sont fait influencer par des Égyptiens. Et donc, ça, du coup, c'est de nouveau la spéculation. Donc, vers 400, lorsque le temple d'Éléphantine avait été détruit, voilà, les prêtres seraient descendus le Nil jusqu'à arriver à Aksum, où l'arche se trouve aujourd'hui. Donc ça, de nouveau, je pense, on est là dans la grande spéculation qui est, à mon avis, qui se base sur la tradition évidemment éthiopienne et qui réécrit un peu l'histoire biblique à sa manière. Après, vous avez peut-être aussi entendu parler d'une autre spéculation, qui est que l'arche se trouverait enfouie dans la cathédrale de Chartres. Ah oui, ce sera plus proche d'ici. Parce qu'en fait, dans la cathédrale de Chartres, vous avez, et ça c'est assez particulier, parce que ce n'est pas souvent que la reine de Saba est représenté dans les entrées des cathédrales. Il y a les prophètes, il y a les rois, il y a les évangélistes. Mais la reine de Saba, c'est un peu curieux. Donc, on dit, premier indice. Deuxième indice, il y a en effet une représentation de l'arche aussi dans un pilier de la cathédrale où vous voyez l'arche sur un chariot et quelqu'un qui la ramasse ou qui touche le chariot, il a la tête cassée, le pauvre. Donc, ce qui peut faire penser en fait au récit biblique où l'arche qui était ramenée à Jérusalem était en train de tomber et quelqu'un voulait l'arrêter. Et donc, on a cette inscription qui se lit donc Arca ou Archa Federis hic amititur. Ici est perdue l'arche de l'Alliance. Alors donc on a spéculé beaucoup sur qu'il y a en effet soi-disant des erreurs dans l'inscription, mais Colette Briffard que j'ai consultée, elle m'a dit non, ça s'explique très très bien, tout s'explique très bien à partir du latin un peu tardif en train de devenir le français, donc il n'y a pas besoin de penser qu'il y a des messages sublimales qui auraient été inséré dans cette inscription. Donc, mais pour ceux qui aiment les théories de secret, de complot, l'arche aurait été en fait rapportée à Chartres par les Templiers qui l'auraient pris à Aksum. Et donc, du coup, le ici est perdu l'arche de l'Alliance devrait être compris ici est caché l'arche de l'Alliance. Mais de nouveau, je pense qu'il y a peu d'indications. Le ici, à mon avis, se réfère à la scène, hein, parce que c'est juste la légende de la scène qui nous relate donc l'histoire biblique. Donc je pense qu'il y a peu de chance, heureusement on n'aura jamais la permission de creuser sur la cathédrale de Chartres, donc de toute façon on ne trouvera pas l'arche. Donc, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même souvent l'idée que l'arche se trouve en Éthiopie qui hante les esprits. Et cela, évidemment, est aussi lié, déjà chez Hancock, à l'idée que l'arche avait contenu quelque chose d'exceptionnel. Et donc, ce qui nous amène à la question d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? Il y a beaucoup de théories. Ça commence déjà, en fait, avec les rabbins. Déjà, dans la Bible, je vous ai montré qu'entre les auteurs sacerdotaux qui pensent que l'arche contenait plutôt les tablettes de fondation du sanctuaire, et les deutéronomistes qui pensaient que c'est plutôt les tables de la loi, il y a déjà des visions différentes sur ce que contient l'arche. Et puis on avait ce magnifique texte du livre des rois, on dit « il n'y a rien d'autre dans l'arche ». Et déjà les rabbins ont dit « mais s'il n'y a rien d'autre », c'est un peu louche quand même. Les rabbins, c'était aussi des bons lecteurs de textes. Si on affirme ça, peut-être il y avait quand même aussi autre chose. D'ailleurs, il y a un problème déjà, parce que si on a juste cette expression, l'alliance que l'étape de l'alliance que Yahvé avait conclue avec les Israélites, on pouvait penser en fait que c'est par rapport, par exemple, ce qu'on appelle le code d'alliance, c'est-à-dire le grand texte de loi qui se trouve dans les chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode, juste avant la conclusion de l'alliance, qui est relaté au chapitre 24. Par contre, je vous ai déjà montré ce texte du Deutéronome. Chapitre 10 du Deutéronome, l'idée des deux tables, c'est très différent. Là, ce sont en fait les 10 commandements, et surtout, ce sont les tables réécrites après que l'alliance a été rompue. Donc, table d'alliance et table après l'alliance, d'une certaine manière. Parce que là, l'idée, c'est que Moïse va remonter sur la montagne et Dieu, en effet, lui réécrit sur deux tables, de nouveau, la loi qui a été cassée donc, par Moïse lorsqu'il a découvert le veau d'or. Donc, ça vient, en fait, après le veau d'or, le chapitre 10. Donc là, il y a déjà, en fait, une autre idée, ce n'est pas les premières tables de la loi, mais les deuxièmes tables que Dieu aura réécrites. Donc du coup, les rabbins avaient dit qu'il n'y a pas d'accord sur ce que l'arche contient. Et alors la solution, il y a plusieurs solutions. Une solution qui va en effet être défendue par beaucoup de rabbins, c'est que l'arche contenait pas seulement les deuxièmes tables de la loi, mais aussi les premières tables, bien qu'ils étaient brisés. Une sorte de Geniza pour les tables brisées. Donc le Talmud de Babylone dit en effet... Baba Batra, ça c'est un texte très important par ailleurs, parce que c'est la première grande spéculation des rabbins sur qui a écrit quoi. Donc tous les livres bibliques sont attribués en fait à des auteurs. Et d'autres questions évidemment, comme ici, les tables et les fragments de tables étaient déposés dans l'arche, dit le Talmud de Babylone. Par contre, le Talmud de Jérusalem va dire en fait non. Il y avait deux arches, dont l'une contenait des fragments des premières tables et l'autre les secondes tables. Après, les rabbins étaient aussi des lecteurs très attentifs du texte biblique. Vous avez ce texte, on y reviendra, où, en fait, Saoul, qui est en campagne, dit au prêtre Achia, « Fais approcher l'arche de Dieu ». Mais le problème, c'est que cet ordre est donné alors qu'ils sont à Gibea. Et l'arche, en 1 Samuel 7 et en 2 Samuel 6, en fait, se trouve à Kiriat Yearim. C'est là où David va aller la chercher. Alors comment elle peut être à Kiriat Yearim et à Gibea? Donc, le Rabbi Yehuda ben Lakish va dire il y a deux arches. L'une qui restait sous la tente avant la construction du temple, et la seconde qui accompagnait les Israélites dans les combats. Talmud va encore aller plus loin en citant cette idée du rabbi Yehuda ben Lakish en disant voilà, et ça a eu lieu à Aïa de faire approcher l'arche de Dieu. Or, l'arche n'est-elle pas trouvée à Kiriat Yearim? Que répondent alors d'autres sages? Saül a seulement voulu qu'on lui approchât l'arche contenant les vêtements sacrés pour consulter l'oracle. Donc là, il n'y a plus question des tables de la loi. Il y a une arche qui contient des vêtements sacrés qu'il faut pour consulter l'oracle. Et ce qui est très intéressant, parce que la Septante, le texte grec, n'a pas Aaron, qui veut dire l'arche, mais Éphod. Et éphode, bah, c'est une sorte d'habit sacerdotal qui contient probablement des ourim et des toumim qui servent à tirer les sorts. Donc peut-être cette tradition, elle est déjà connue d'une certaine manière à la traduction grecque. Et puis, à partir de cela, les arches vont se multiplier. Il y aura 4 arches, en fait. Il y aura l'arche principale, et puis il y aura l'arche des tables brisées, l'arche des vêtements sacrés, et encore l'autre arche qui contient les ossements de Joseph. Vous vous souvenez que la première fois qu'on trouve en effet le terme de Aaron, de arche, c'est à la fin du livre de la Genèse. Mais là aussi, c'est un peu une surinterprétation, parce que dans le livre de la Genèse, l'arche est un cercueil, c'est pas les ossements, c'est le Joseph embaumé, parce que là aussi, il y a 2 traductions. Parce que si quelqu'un a embaumé, bah, normalement, bah, ses ossements ils vont pas se disperser, ils restent justement aux momies. Donc là, il y a 2 traditions différentes, mais ça, c'est pas important pour les rabbins. Donc, il peut y avoir une arche avec les ossements de Joseph. Et puis, je vous rappelle le texte que nous avons déjà vu, ce document de Damas à Qumran. On dit, en fait, l'arche contient pas des tables, mais le sefer, le livre, le rouleau de la loi. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'unanimité. Et puis, il y a une autre théorie encore, qui est très intéressante, qui dit que l'arche, en fait, contient la Shekhina. Qu'est-ce que c'est la Shekhina? C'est la présence divine, en fait. Ainsi, le Talmud de Babylone, en interprétant un texte du Deutéronome, dans ce texte, Moïse promet au peuple que Yahvé, votre Dieu, va marcher avec vous afin de combattre pour vous. Alors, comment Yahvé peut-il marcher avec le peuple? Ben, le Talmud va dire parce que le nom et tous ces noms de substitution étaient depuis dans l'arche. Similaire dans le Targum de Jérusalem, ce verset, donc Deutéronome 20, vise le nom sacré qui se trouve dans l'arche. Donc là, c'est autre chose. On n'est plus du tout avec la loi. Quand on parle de la Shekhina, de l'habitation, la présence divine, ben là, pour se poser la question si nous n'avons pas la sublimation du fait que l'arche, à l'origine, a contenu Yahvé même, ou disons une représentation de Yahvé. Si on dit après, c'est sa Shekhina qui est dans l'arche, ben on peut s'imaginer que, en fait, c'est une manière de reprendre, en fait, la présence de Yahvé dans l'arche. On va y revenir. Et puis, certains auditeurs me disent toujours, vous ne parlez jamais du Nouveau Testament. Alors, je vais vous parler une fois du Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, il y a un texte très intéressant qui parle de l'Arche de l'Alliance en disant, tout recouvert d'or, ça que c'est comme dans le texte de l'Exode, dans celle-ci, donc dans l'Arche, un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et le table de l'Alliance. Donc 3 choses. La manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. C'est intéressant. Et on ne sait pas très bien pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui n'est pas Paul, on ne sait pas trop qui c'est, a inventé cela. Donc il y a des gens qui pensent, et probablement avec raison, que nous avons là en fait une tradition juive qui est reprise, et qu'ensuite dans le judaïsme on a un peu censuré parce que c'était repris par les chrétiens. Mais la tradition est certainement plus ancienne, et l'origine elle est assez simple de cette tradition, parce qu'on voit en effet que en Exode 16, dans l'histoire du don de la manne, à la fin, Moïse va dire à Aaron, prends un vase, comme dans l'hébreu, et mets-y un plein homer de manne et dépose-le devant le Seigneur. Devant le Seigneur, ça peut être l'arche. Ou pour le bâton d'Aaron, nombre 17, c'est la compétition de tous les bâtons des différentes tribus, c'est le seul bâton qui fleurit. Pareil, on va dire, il faut le mettre devant le ha-edut, devant le témoignage. Et vous souvenez que dans la tradition sacerdotale, l'arche du témoignage, c'est le nom qui est donné à l'arche. Donc on voit très bien en fait comment on arrive à cette idée dans l'Épître aux Hébreux, mais curieusement pas dans la tradition juive. Donc du coup, je pense en effet, il est possible que l'auteur du texte des Hébreux ait eu connaissance d'une tradition juive, parce qu'on va mal pourquoi c'est lui qui aura créé cette idée. D'ailleurs, il dit ça presque un peu en passant, c'est pas très important pour sa démonstration. Vous avez là peut-être une autre tradition, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, va aussi se retrouver dans le Coran. Dans la sourate 2, la vache, le prophète leur dit le signe de son investiture, donc il parle de Saül, sera que l'arche va venir vers vous. En elle, donc dans l'arche, la sakina de votre seigneur et la bakia de ce qui a été laissé de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà en elle un signe pour vous, si vous êtes croyants. Donc, vous voyez, c'est assez proche d'une certaine manière de ce que nous avons dans l'Épître aux Hébreux. Hein ? Il s'agit, le contexte, c'est la légitimation de Saül et puis la légitimation des chefs et surtout, évidemment, aussi préfigurant le martyr. Mais il y a quand même aussi des allusions à la fois à la tradition qu'on a vu dans l'Épître aux Hébreux, mais aussi l'idée de la Shekhina, parce que Sakina, on traduit souvent par quiétude ou par paix profonde. En fait, c'est la même racine qu'on a en Shekhina en hébreu. Donc, peut-être là aussi encore l'idée que, d'une certaine manière, Dieu lui-même est présent dans l'arche. Et puis, Bakia, les islamistes entre vous, vous allez m'éclairer, je ne sais pas trop donc ce qui est donné, ce qui est confié par Dieu, donc parfois on traduit pas héritage, mais voilà. Et la famille de Moïse, Aaron, ça peut en effet faire penser à l'histoire de la manne et du bâton. Voilà. Donc, des rabbins jusqu'au Coran, il y a en effet quelques thèmes qui vont se poursuivre. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, Mythes et Histoires. Aujourd'hui, le contenu de l'Arche et ses fonctions. Dans les temps modernes, on a évidemment imaginé autre chose. On ne sait pas très bien quand ça commence. Ça commence apparemment déjà au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il y a un exégète de Wettin qui fait déjà allusion à des spéculations comme quoi l'arche était en fait liée avec l'électricité. C'est lui qui l'a rendu populaire, c'est un physicien, Nikola Tesla. Alors quand j'interroge mes collègues physiciens, certains disent c'est un charlatan, d'autres trouvent c'est quand même un des électriciens importants, hein. Mais bon, je pense qu'il était certainement un grand savant, mais Vous savez, les grands savants, parfois, peuvent aussi avoir un peu leurs obsessions. Donc, et je pense par rapport à cela, bah, il avait quand même cette obsession sur Moïse en tant qu'électricien. Donc voilà, je vous ai mis la citation, bah, je vais vous la traduire. « Moïse fut un électricien doué en avance sur son temps. La Bible décrit de manière précise la fabrication d'une machine qui a généré l'électricité par la friction de l'air contre des rideaux en soie et qui fut placée dans un coffre. » Donc là, il fait allusion au fait que l'arche était placée dans les saints des saints avec des rideaux ou dans la tente déjà. « Et on peut imaginer, dit-il, que les fils d'Aaron furent tués à cause d'une décharge de haute tension. » Donc ça, ça fait évidemment allusion à l'histoire du Lévitique, où en fait deux fils de Aaron font un sacrifice qui n'est pas demandé par Dieu, mais où il n'est pas du tout question de l'arche. Hein, mais peu importe, on n'est pas à un détail près parce que ça continue. Hein, ça continue. En 1999, un autre physicien dans le journal britannique Daily Mail, si les Israélites avaient entrepris de construire un accumulateur primitif, il n'aurait pas pu trouver une meilleure forme que celle de l'arche. Puis il a construit l'arche dans son labo pour montrer que ça marche très bien. Aussi avec plein d'interprétations, le fait que Moïse, lorsqu'il descend du mont Sinaï, a dû se voiler la face, c'est parce que l'arche était trop dangereux et puis avait trop de rayonnage, donc c'est, voilà, c'est un peu nucléaire aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Après, vous avez du côté français Robert Charroux, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est aussi un peu, ben, disons, quelqu'un qui veut expliquer toute la Bible avec soi-disant la science. Donc pareil, l'arche n'était rien de plus qu'une âme impressionnante capable de produire de l'énergie électrique. Donc une sorte de coffre-fort électrique capable de générer des fortes décharges de 500 à 700 volts. Après, ça devient de pire en pire parce que... Après, cette arche aurait été construite par des extraterrestres, évidemment, pour communiquer avec Moïse et Aaron. Et lui, je crois, le dit aussi déjà. Donc voilà, donc je pense qu'il faut s'abstenir un peu de cela. Ça me fait penser un peu à ces explications. On veut toujours trouver une sorte de raison scientifique derrière les mystères bibliques. C'est comme on veut expliquer les plaies d'Égypte avec l'explosion du Santorin, ce qui est aussi une bêtise. Mais là, récemment encore, à mon grand énervement, il y a un nouveau, est-ce que c'est Science Vie, je crois, sur les mystères de la Bible, de nouveau découverts par la science. On revient toujours avec ces mêmes histoires qui, à mon avis, montrent juste qu'on ne comprend pas le texte biblique ni les traditions bibliques. Ou comme on a interprété les miracles de la multiplication de pain par Jésus avec des boulangeries souterraines ou des choses comme ça. Je crois qu'on est juste à côté du texte. Et puis, voilà, que Moïse doit se voiler la face, ça n'a rien à voir avec l'arche. L'arche n'est pas du tout mentionnée dans cette histoire-là. Que le fils de Aaron meurt, c'est pas le foudre divin, ça n'a rien à voir non plus avec l'arche, mais enfin. Bon. Mais venons maintenant à des théories un peu plus sérieuses. Alors, une théorie qui continue à être défendue jusqu'à aujourd'hui, c'est l'idée, en fait, que l'arche aurait été conçue comme le trône de Yahvé. C'est en fait un trône portable sur lequel il fallait imaginer de manière invisible le Dieu d'Israël. Donc le point de départ de cette théorie, bah, c'est à la fois la présence des fameux kéroubim, des chérubins, et aussi le titre, mais qui est très rare, je vous l'ai déjà montré, qui parle de l'arche de Yahvé Tsevaot qui siège sur les chérubins. À partir de là, donc les chérubins, c'est ça. Donc c'est pas des petits anges, comme je vous ai dit, c'est des sphinx ou c'est des caribous, comme on a vu du côté de l'Assyrie. Donc c'est des êtres protecteurs, hybrides. Et donc l'idée étant que l'arche aurait été un trône portable sur lequel on serait imaginé de manière invisible Yahvé, qu'on aura pu donc transporter selon les besoins, surtout dans des contextes évidemment de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Ben, il y a une objection très basique. si c'est un trône, pourquoi on l'appelle coffre? Parce que l'hébreu a tout à fait un mot pour trône, qui sait? Si c'est un trône, pourquoi on le met dans un coffre? Ça, c'est, à mon avis, ce n'est pas forcément identique au trône. Et puis l'autre remarque qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'on a vu que c'est seulement dans les textes les plus récents, les plus récents donc, des auteurs sacerdotaux, où il y a cette idée que l'arche se tienne en effet au-dessus de l'arche. Mais même dans ces textes-là, c'est plutôt qu'ils protègent l'arche et pas qu'ils accueillent quelqu'un qui est assis. Donc l'arche primitivement n'a pas été un trône, mais une caisse, un coffre. Et là peut-être, et ça c'est là peut-être la part de vérité dans cette hypothèse, elle a peut-être été perçue comme ça par les auteurs qui ont raconté comment on l'a intégrée dans le temple de Jérusalem sous les chérubins. Là il y a peut-être une transformation sur laquelle je vais revenir, mais à l'origine, je pense qu'on ne peut pas imaginer l'arche comme le trône transportable de Yahvé. Alors, autre hypothèse, c'est d'imaginer l'arche vide. Ça, c'est aussi bizarre. Pourquoi on fait un coffre quand il est vide? Mais bon. Donc, l'arche vide serait... C'est très théologique. L'arche vide serait le signe de la présence divine. Alors là, on part souvent des palladiums montés sur des chameaux chez des bédouins arabes pré-islamiques ou islamiques, en se basant surtout, mais pas exclusivement, parce que vous savez, au XIXe siècle, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les traditions des bédouins, qu'on a après essayé de mettre en rapport avec les textes bibliques ou coraniques pour comprendre un peu mieux un certain nombre de rituels. Et donc, cette idée, en fait, une sorte de présence divine vide, serait en effet à mettre en rapport avec ce qu'on a observé chez les Bédouins. Où vous avez un ustensile qui s'appelle le hotfe, une sorte de siège, qui est décoré avec des plumes d'autruche. Donc, mais ça, évidemment, dans les descriptions, dit 19e siècle avec un siège vide, mais qui, en fait, reste pas toujours vide, je reviendrai là-dessus, et donc on en voit souvent avec un chameau qu'on laisse partir pour chercher, en fait, un nouvel emplacement pour camper. Et là où, en effet, le chameau avec le hotfe s'arrête, ben, c'est là où on va camper. C'est aussi, évidemment, le hotfe, c'est à côté de la tente du cheikh, c'est aussi un symbole de l'autorité du chef. Et donc, c'est aussi un endroit pour des oracles, mais aussi pour des rituels. Et bien sûr, évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'utilisation dans des conflits guerriers, en fait, où on met à l'intérieur du siège, donc qui du coup n'est plus vide, on met une jeune fille assez dénudée avec l'idée d'encourager les hommes qui partent donc en bataille. Donc, en fait, le hotfe va accompagner la tribu quand il part en fait en guerre. Donc, du coup, certains ont dit, bah, c'est en effet une sorte de sanctuaire tribal associé à une force divine, mais probablement féminine, si on imagine en effet qu'on y met une jeune fille là-dedans. Chez d'autres bédouins, on a, ce qui n'est pas très différent, on appelle ça souvent le markab, le char ou le vaisseau, le markab, Abu Zur al-Markab, c'est-à-dire un char qui est lié en fait à l'ancêtre divinisé de la tribu, qui donc d'une certaine manière aussi marque sa présence pour sa tribu dans des conflits et d'autres moments importants de la vie d'une tribu. Et finalement, on a quelque chose de comparable, on a le mahmal, qui remonte sans doute aussi à l'époque pré-islamique et qui présente une sorte de tente qui symbolise évidemment l'autorité du cheikh et du sultan et qui, à l'époque islamique, contient soit, selon les traditions, les copies du Coran ou la kiswa, c'est-à-dire l'étoffe de soie avec laquelle on couvre la Kaaba. Mais certains pensent qu'à l'origine, ce mahmal était vide. D'autres pensent en effet qu'il contenait deux déesses pré-islamiques. Donc, les défenseurs de l'idée d'une arche vide partent donc de l'idée que l'arche elle-même, un peu comme le mahmal pour certains, se confond avec Yahvé. Mais la question en fait qui est derrière, ou disons qu'il faudrait poser à cette théorie, l'idée d'une arche vide qui représente la présence d'un Yahvé invisible part d'un postulat qui, à mon avis, est à mettre en question. Le postulat est que la religion israélite aurait toujours été aniconique, sans image. Et là, je pense que ça, c'est un problème méthodologique, c'est-à-dire on part du judaïsme actuel, ou de l'islam, pareil, où, en effet, il n'y a pas de représentation possible pour clamer que ça a toujours été le cas. Mais toutes les religions naissent à partir des révolutions. Et l'aniconisme n'est pas une donnée de base, mais c'est un des grands changements qui va faire que une religion israélite et judéenne devient seulement le judaïsme. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est là depuis le début. Le judaïsme n'est pas tombé du ciel. Le judaïsme s'est en effet développé à l'époque perse, au 4e siècle, 3e siècle avant notre ère. Donc évidemment, l'aniconisme est un marqueur important du judaïsme, mais non pas au début du premier millénaire, ça c'est important, de l'époque hellénistique. Donc j'ai l'impression que souvent, des chercheurs qui insistent sur le fait que le culte de Yahvé était aniconique, sans image, que Yahvé est un dieu célibataire, qui n'avait pas de parèdre, pas de déesse qui lui était associée, souvent, soit ils partent de leur propre conviction religieuse qu'ils veulent avoir d'une certaine manière confirmée par l'histoire, ou alors ils font de l'anachronisme en prenant des affirmations centrales du judaïsme, mais en imaginant que c'était déjà le cas au début du premier millénaire. Et ça, je suis à peu près sûr, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on peut faire une réflexion tout simple. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de textes dans les récits bibliques ou dans les documents bibliques qui interdisent qu'on se fait des images de Yahvé? Si c'était quelque chose qui allait de soi, est-ce qu'il faut l'interdire? On interdit normalement des choses qui ne vont pas de soi. Il faut apprendre, ou qu'on veut voir pratiquer, mais qui ne reflète pas forcément la pratique habituelle. Donc je pense, en effet, l'interdit des images même est, en effet, une première indication qu'il y avait bien des images de Yahvé. Évidemment, nous sommes devant un problème qui est tout à fait pareil aussi pour d'autres religions. Nous n'avons pas des images où c'est marqué, sauf peut-être une exception, nous n'avons pas d'image où c'est marqué Hic Yahvé, donc ici Yahvé. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Hein. Mais c'est la même chose à Ougarit. Si vous allez au Louvre, vous regardez les petites statuettes, on vous dit ça c'est Baal, ça c'est El, ça c'est Ashara. Ce n'est pas marqué. C'est l'interprétation des personnes qui sont spécialistes, évidemment, d'Ougarit et qui prennent les textes et qui disent, voilà, cette posture rappelle plutôt El, cette posture rappelle plutôt Baal. Mais il n'y a pas d'inscription. Hein. Pareil au musée de Beyrouth, vous avez plein de petites statuettes, on vous dit c'est Baal, mais ce n'est pas marqué non plus dessus. Donc, il faut faire attention. Donc, nous n'avons pas, sur le plan archéologique, des présentations où on peut être sûr que c'est Yahvé, mais on a quand même quelques indications. On a par exemple ce sceau où déjà au début du XXe siècle, Dahlmann avait dit la divinité qui trône là entre deux arbres de vie, ça peut être Yahvé. Pourquoi ? Parce que le sceau appartient d'un dénommé Eli Shama, fils de Gedaliahu, donc c'est un non-yaviste. Donc si le porteur du sceau est un yaviste, on peut imaginer que le sceau représente en fait sa divinité tutélaire. Idem pour l'autre sceau, qui contient également un nom donc yaviste, ou Benjamin Sass, de l'Université Tel Aviv, pense aussi que c'est une représentation du 7e siècle de Yahvé, un peu comme le dieu lunaire. Et nous avons évidemment aussi, vous avez certainement déjà entendu parler de Kuntilet Ashrut, donc si très important dans la route qui va de Gaza à Elat, fouillée au moment où Israël occupait la péninsule du Sinaï, on a trouvé en fait beaucoup de choses, des inscriptions, on parle de Yahvé de Théman ou de Yahvé de Samarie, de son Achéra, bon, aujourd'hui ça nous intéresse moins, mais vous avez aussi des représentations d'un couple qui est juste lié à cette inscription de bénédiction de Yahvé et de Achéra. Donc certains chercheurs de l'université Tel Aviv et d'autres avaient pensé que ce couple-là pourrait être Yahvé et Achéra. Ce n'est pas signé, hein, mais il y a quand même cette inscription qui est liée à l'image. C'est très intéressant pour la petite histoire. Lorsqu'on a pour la première fois édité ce dessin, qui n'est pas très visible à l'œil nu, donc il faut, si vous allez au musée d'Israël, vous le verrez, on a mis deux sexes masculins aux deux personnes, donc pour éviter évidemment qu'on pouvait penser que voilà, c'était Yahvé Asherah, peut-être, je ne sais pas, mais on a maintenant vraiment l'édition principale, on voit très bien, c'est seulement une personne qui a un sexe masculin, et la deuxième a quand même des sortes de seins stylisés, donc ce n'est pas totalement impossible. Je ne peux pas vous le garantir, hein, mais vous aurez peut-être là une représentation. L'élément qui est le plus sûr d'un image de Yahvé au niveau donc, de l'iconographie, c'est en effet une pièce de monnaie de l'époque perse où vous avez en effet une divinité sur un trône avec des chars. Pensez au livre d'Ézéchiel. Hein, ça, c'est très très proche de ce que vous avez avec Ézéchiel. Puis des ailes qui pourraient aussi faire penser à un trône de chérubin, etc. Donc, c'est des conventions iconographiques qui, selon Erhard Blum, viennent à la fois du Levant et de la Grèce. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous avons, la seule fois, une légende, et vous avez les trois lettres, Yod et Vav. Donc, certains disent qu'il faudra rajouter un D, et ce sera Yehud. Mais il n'y a pas de D. Donc, si on n'a que les trois, bah, ça fait Yahou. C'est vrai qu'il y a d'autres coins de monnaie où c'est Yehud, ça, je veux bien l'admettre, mais ici, nous n'avons que ces trois lettres. Donc là, on aura peut-être, en effet, et ça, nous sommes, en effet, au 5e, 4e siècle, donc au moment où l'interdit d'image commence déjà à se réaliser, où, en effet, on voit que bah, ce n'est pas respecté par tout le monde. Et évidemment, la Bible elle-même nous indique qu'il y a eu des représentations de Yahvé. Vous connaissez tous l'histoire du veau d'or. Hein. Ça, c'est clair que cette histoire critique le culte du royaume du Nord, d'Israël, en fustigeant le premier roi, Jéroboam, d'avoir installé dans les sanctuaires de Dan et Bethel deux statues bovines, en disant « Voici tes dieux qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte ». Donc là, il y a une identification entre Yahvé qui fait sortir d'Égypte et les statues bovines. Je n'entre pas maintenant dans le problème que c'est ce qui est raconté ici, ça ne peut pas se passer sous Jéroboam le premier, puisqu'à ce moment-là, Dan n'était pas du tout israélite. Donc c'est plutôt Jéroboam II au 8e siècle qui a annexé Dan des Araméens, hein, où cette histoire se déroule. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, on admet que dans Bethel, Dan, il y avait des statues bovines représentant Yahvé. Et même histoire, évidemment, dans l'histoire du veau d'or, qui est aussi, évidemment, une critique de cette manière de représenter Yahvé. Nous avons également, dans le livre de Osée, des critiques du veau de Samarie, hein, qui sera donc détruit par les Assyriens, hein, ou déporté comme offrande pour le grand roi. Donc c'est très clair pour le Nord, on admet aussi d'ailleurs assez volontiers, parce que évidemment dans la version biblique, la manière dont la Bible présente l'histoire, Le Nord, de toute façon, c'est illégitime. Hein, ce n'est pas le vrai Israël, d'une certaine manière. Donc, du coup, ils peuvent vénérer Yahvé sous une forme bovine, ça, ce n'est pas le problème. Mais qu'en est-il en Juda ? Alors, souvent, on trouve encore l'idée qu'en Juda, on aurait une sorte de de facto aniconisme. Ça, c'est Mettinger qui a insisté là-dessus. Il y aurait certes le culte Estelle, des Matzebot, hein, mais qui serait en effet un culte sans image. Connaissez l'histoire fondateur, bien qu'elle concerne donc un sanctuaire du Nord. Je voulais juste vous le rappeler. Donc c'est Jacob en fait qui, dans le sanctuaire de Bethel, après avoir sa vision divine, va ériger une pierre, et cette pierre va être appelée Matseba. Et sur cette pierre, il va en effet faire une onction d'huile. Donc le terme de Bethel, selon certains, vient même de cette histoire de Bethel qui vit à le grec, après devient Bethel. Mais bon, ça c'est discuté, peu nous importe ici. C'est vrai que les Matzebot et stèles sont déjà attestés au deuxième millénaire à Marie. Dans la Bible, ils ont plusieurs fonctions. Ça peut être des fonctions funéraires, hein, pour Rachel, ou Absalom, qui n'a pas de descendance, veut s'ériger lui-même une stèle funéraire. Ça peut être une commémoration. Ça peut être aussi une sorte de conclusion d'un contrat, ou une sorte même de symbole de frontière entre Jacob et Laban. Hein, et finalement, évidemment, une fonction cultuelle en tant que Bethel. Mais la question qu'il faut se poser immédiatement, c'est: est-ce que c'est Matzebot? Est-ce que c'est aniconique? Est-ce que c'est sans image? Et là, c'est plus compliqué de nouveau. Est-ce qu'il faut, par exemple, opposer le culte sans image, aniconique, au culte des citadins, des cultes anthropomorphiques ou thériomorphiques? Déjà, au niveau du vocabulaire, c'est un peu difficile. Déjà, à Marie, en fait, vous avez les deux. Vous avez des stèles, mais vous avez aussi des statues tout à fait anthropomorphiques. D'ailleurs, au niveau du vocabulaire, en fait, la stèle dressée à Marie, c'est Sikanoum, mais à Assur, c'est Tsalmou. Et Tsalmou, en fait, on le retrouve dans la Bible, comme Tselem. Mais dans la Bible, Tselem, c'est quoi? C'est pas une Matseba, c'est une statue. Statue anthropomorphe ou thériomorphe. Donc, vous voyez, déjà là, les choses, en fait, se compliquent. Et si je vous montre une stèle comme ça, est-ce que c'est aniconique? Ah non, elle est quand même assez peinte, hein, d'une certaine manière. Donc, une stèle qui représente une femme avec les organes sexuels d'une femme. Donc, je pense que la stèle n'est pas forcément aniconique. À Arad, dans le sanctuaire de Arad, on a trouvé deux stèles avec des traces de peinture. Est-ce qu'ils étaient seulement en couleur, ou est-ce qu'on a en effet dessiné sur les stèles quelque chose de comparable à celle dont je viens vous montrer la photo? Ce qui est clair dans la Bible, c'est en effet que les Matzebot, d'une manière ou d'une autre, doivent représenter Yahvé. Parce qu'on les trouve surtout en lien avec les Bamotes. Les Bamotes, c'est ce qu'on appelle les hauts lieux, hein, où en effet, c'est probablement des sanctuaires de plein air. Hein. On a les Matzebot et les Asherim, peut-être les représentations de Asherah. Hein. Et ce qui est intéressant, au moment où on commence à interdire les Tselem, les représentations, on interdit aussi les Matzebot. Tu ne te dresseras pas de Matseba que Yahvé, ton Dieu, haït. Ou ce texte encore du Lévitique, donc où il est interdit, en effet, de faire de sculpture, de stèles ou de pierres sculptées. Donc, si les stèles étaient aniconiques, pourquoi est-ce qu'on va les interdire? Voilà. Donc, je pense, en effet, d'une manière ou d'une autre, cette opposition entre Matseba et statue est peut-être une opposition trop moderne, et que les Matzebot représentaient aussi, d'une manière ou d'une autre, la présence de Yahvé. En ce qui concerne le temple de Jérusalem, c'est vrai qu'on n'a pas de texte qui parle d'une statue de Yahvé dans le temple, mais on a quand même cette idée des chérubins dont je vous ai déjà parlé. Et si on suit, je ne vais pas vous lire le texte parce qu'il n'est pas très passionnant, mais si on le met sur un dessin, en fait, on a en fait deux chérubins qui protègent une sorte de trône, hein, sur lequel on peut en effet imaginer Yahvé, une sorte de trône des chérubins. Et ça, c'est exactement après la place qui, dans le récit de 1 Roi 6 à 8, va être attribuée en fait à l'arche. Donc, des trônes de chérubins, elles sont tout à fait connues. Et dernier argument, il y en a bien d'autres, mais important, c'est les psaumes. Les psaumes qui parlent souvent du désir du psalmiste de voir la face de Yahvé. Alors, évidemment, on peut faire une sorte de lecture spirituelle en disant la face de Yahvé, c'est juste sa présence. Mais si vous le prenez de manière tout à fait concrète, on peut le prendre de manière tout à fait concrète. Hein ? C'est-à-dire, en effet, il y a le psalmiste qui passe la nuit au temple en disant « Tu sens de mon cœur ». Et puis après, moi, avec justice, je contemplerai ta face, je me rassasierai de ta temuna, de ton image. Temuna, c'est l'image ou la figure, la représentation. Donc c'est le même thème qui figure d'ailleurs dans le Décalogue quand on interdit de se faire des représentations de Yahvé. Tu ne te feras pas d'image de Temuna. De Moïse, on va dire qu'il peut voir lui, le seul, voir la Temuna de Yahvé. Donc cette Temuna, qu'est-ce que ça peut être autre, en effet, qu'une représentation de Yahvé. Donc je pense, en effet, nous devons admettre qu'il y avait des statues de Yahvé. On peut aussi penser à des psaumes qui parlent d'une procession. Quand vous avez une procession, ben évidemment, vous devez aussi porter quelque chose. Et ça pourrait être aussi la statue de Yahvé. Donc, si on prend maintenant le cas de l'arche de Yahvé, ben, je vous ai déjà dit, on dit qu'en 1 Roi 8, 6, il est sous les ailes des chérubins. Et là, on peut en effet, comme je viens de dire, se pose la question si l'auteur a voulu remplacer le trône et la statue de Yahvé par l'arche qui, après, d'une certaine manière, devient l'arche de l'Alliance. Est-ce que pour celui qui a écrit 1 Roi 6, est-ce que l'arche n'était pas, en quelque sorte, une manière de remplacer le trône de Yahvé ? Et je vous rappelle, en fait, ce texte du livre de Jérémie où le prophète dit qu'il ne faudrait plus refaire d'arche. Donc, il ne faut plus se souvenir et surtout, il ne faut plus en faire. Alors, de nouveau, question. Si l'arche avait été depuis toujours le contenant des tables de la loi, et déjà en Deutéronome 10 dit on peut faire une arche qui contient les deux tables de la loi, on refait, d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'il faut interdire de refaire l'arche ? Donc, apparemment, si l'arche contenait autre chose, une représentation de Yahvé, par exemple, une telle décision se comprend plus facilement. Donc, il faut reprendre la question. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche ? C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Römer le 22 février 2018 dans le cadre de sa série L'Arche d'Alliance, mythes, histoires et histoires. Aujourd'hui, le contenu de l'Arche et ses fonctions. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de ces diffusions, ainsi que l'ensemble des cours de Thomas Römer. Il a publié notamment L'Invention de Dieu aux éditions du Seuil. Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête sur l'Arche d'Alliance en compagnie de Thomas Römer. Il sera question de l'histoire de l'Arche, son contexte et sa composition. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.